qu'un lendemain de crémaillère. Mais comment ça a pu finir? Faut pas regarder en arrière. J'ai mon petit déj à engloutir avant de penser à ma carrière. J'ai encore envie de vomir. J'ai des cigales dans la tête qui se réveillent pour faire la fête toute la nuit, leur chant en tête. Dans mon esprit, c'est la tempête. Toutes mes journées sont identiques. Pour être meilleur, faut de la routine. Dans le travail, y'a pas d'éthique, mais plein de querelles intestines. Faut surtout pas être sympathique au risque tout le monde. Dans l'univers bureaucratique, nous sommes les rois de la combine. J'ai des cigales dans la tête, je veux prendre la poudre des tempêtes. Et comme si formate ma disquette, ces sons qui emplissent ma casquette. Le soir quand je rentre chez moi, j'oublie tout ça, je me transforme. Pas la peine que je me larmoie, au fond de moi, je suis hors normes. C'est lorsque mes pensées tournoient qu'autour de moi, tout devient informe. Parfois j'en perds même mon sang-froid. Voilà que mes idées s'endorment. J'ai des cigales dans la tête qui se réveillent pour faire la fête. Toute la nuit, leur chant en tête. Dans mon esprit, c'est la tempête. J'ai des cigales dans la tête, je prends la poudre des tempêtes. C'est comme si formate ma disquette,